vais vous raconter une jolie petite histoire qui se passe à me tous les soirs. Vous n'allez pas me croire, c'est la BAM avec sa banane et son âne, Freedom bien l'âne. C'est la BAM avec sa banane qu'on se prend pour une belle âme. Il mime sentiers intimes et chantiers illégitimes aux victimes sans centimes. Il gagne mon estime. Oh la BAM, c'est la BAM au bas d'un gravat, qui bat de l'air humaine et combat et débat. Oh, qui bat de l'air humaine et combat et débat. Il se pavane à Paname avec son âne et sa banane. Il refait la rue à l'image d'un vieux sage, chantant ses adages pour ses dames à Paname. Mais la BAM est loin de là, mais la BAM est loin de là. Entre vieux père et petite grand-mère, vers la mer au goût amer, et il se laisse faire, faire, refaire la terre des terres des compères, amis dans sa guerre, c'est mon avis sincère. Oh, quel drame, le cœur d'une belle dame, amène la BAM, mais oh, grande dame, oh, la dame n'est pas, elle n'est pas là. Elle est encore là-bas, mais loin de la BAM. Elle est encore là-bas, et loin de la BAM. Il se pavane à Paname avec son âne et sa banane. Il refait la rue à l'image d'un vieux sage, chantant ses adages pour ses dames à Paname. Mais la BAM est loin de là, mais la BAM est loin de là. Loin de là d'imaginer que la BAM est passée par là. Il n'a jamais cessé de traîner ses pieds, ses souliers sur les trottoirs inachevés de la France d'en bas caricaturée, en chiantant la folie et en chiant sur la France d'en haut. En chiantant la folie et en chiant sur la France d'en haut. Il se pavane à Paname avec son âne et sa banane. Il refait la rue à l'image d'un vieux sage, chantant ses adages pour ses dames à Paname. Mais la BAM est loin de là, mais la BAM est loin de là. Un témoin m'a dit que la BAM est passée par là. Aujourd'hui il rame dans un paradis loin d'ici, et moi je veux bien y aller, et là-bas avec la BAM. Même ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, j'y vais aussi. Et même ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, j'y vais aussi. Même ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, j'y vais aussi. Même ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, j'y vais aussi.